tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse 4 femmes scientifiques, une série d'Olivier Chomel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a une préoccupation féministe, mais oui, et une question. Une question qui est un peu comme une chanson, car en science, on peut se le demander, où sont les femmes? Eh bien, elles sont là, même si, depuis toujours, on leur pique leur découverte, et même si elles doivent déployer une énergie considérable pour se faire une place et ne pas compter leurs heures. Et même si, pour voir leur talent s'épanouir, elles sont parfois obligées aussi d'inventer leur territoire de recherche, et parfois, quand la machine à effacer l'histoire tombe en panne, il arrive tout de même qu'elles entrent par effraction dans la légende. Alors pour commencer, les personnages. Un biologiste passionné qui travaille sur l'odorat des asticots et l'histoire des sciences, un cristallographe, un historien, mais tout de même une éditrice et une physicienne qui, comme par hasard, travaille sur la place des femmes en sciences. Ensuite, le décor. Une université de Manchester sous les auspices d'une hélice d'ADN, le jardin d'un campus, une collection de stégosaures, l'ombre de la sculpture d'une molécule à Strasbourg, un bureau à Mulhouse et un recoin de l'ENS. Aujourd'hui, premier épisode, on va faire connaissance avec Rosalind Franklin. Université de Manchester, Matthew Cobb. C'est là que vous travaillez et la façade de votre bâtiment montre une superbe double hélice d'ADN. Voilà, on pense que c'est le plus grand du monde, on ne sait pas, mais on l'a mis là parce que ça, la découverte de la structure de l'ADN a changé la biologie et c'est d'une manière ou d'une autre, on travaille tous en conséquence de cette découverte. Une des plus grandes découvertes de l'histoire des sciences. Ah oui, je dirais sûrement dans la biologie, il n'y a que ça, et la théorie de l'évolution par la sélection naturelle, il n'y a que ça. Et le prix Nobel ne fut pas attribué à Rosalind Franklin. Olivier Chomel, Vincent Deck. Rosalind fait partie des personnes symboles de l'injustice en science lorsque une femme se fait prendre ses résultats et que par des vilains garçons. Voilà. Elle est devenue vraiment un symbole de ce fait-là. Interactualité. Pascal Rossini, les prix Nobel de médecine pour 1962 s'entend. 3 savants, 2 anglais et un américain se le partagent. Ces 3 savants sont le docteur Watson, c'est l'américain. Le docteur Crick et le docteur Wilkins, qui sont anglais. Disons aussi de façon plus précise que le docteur Watson, l'américain, un homme de 35 ans, avec ses 2 camarades, eux, plus âgés, se voit attribuer le prix pour ses travaux sur la structure moléculaire des acides nucléiques, nous citons bien entendu, et la signification de cette structure pour le transfert d'informations dans la matière vivante. Ce point maintenant établi grâce aux travaux des 3 nouveaux prix Nobel, le problème va être maintenant pour les chercheurs de décoder, si l'on peut dire, les informations transmises par l'acide nucléique. Bref, de comprendre le mécanisme complexe et presque totalement mystérieux de la vie. Rosalind Franklin, jeune cristallographe britannique, a pu faire les frais d'une certaine ingratitude du monde scientifique. À notre époque, l'acide désoxyribonucléique, qu'on désigne de préférence selon son acronyme ADN, est un composé chimique très populaire, prisé notamment des fonctionnaires de la police scientifique et des amateurs de séries criminelles. On a la manie de le convoquer à tout propos, sans crainte d'un certain dévoiement. On entend dire par exemple que l'ADN de Manchester, ville où nous reviendrons par la suite, c'est le football, ce qui n'a pas grand sens. C'est beaucoup plus sérieux que ça, l'ADN. C'est le secret de la vie, de l'harmonie vitale. Cette macromolécule, apparemment grossière mais infiniment subtile, est celle qui transmet les caractères héréditaires et gouverne à peu près tout dans une cellule vivante, avec une subtilité infinie. On le présumait très fort au début des années 50, mais on n'en était pas certain. Et surtout, on ne voyait pas du tout quel processus pouvait être à l'œuvre à l'échelle moléculaire. L'ADN a été le sujet d'une excitation formidable, avec ses enthousiasmes soudains et ses déconvenus, avec ses tâtonnements, ses errances et la gloire en bout de piste. Mais pas pour tous les protagonistes de l'histoire. C'est entre la mort de Staline et le couronnement de la reine Elisabeth II que tout s'est décidé en 1953. Matthew Cobb, vous êtes biologiste à l'université de Manchester. Donc on parle de Rosalind Franklin. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette femme et dans quel monde elle évolue à la fin des années 40 et au début des années 50? Ben, c'est un cristallographe, donc elle étudie, en utilisant les rayons X, la structure des molécules organiques. Avant tout, c'est quelqu'un qui veut comprendre comment la nature est faite, comment les structures des molécules sont organisées. Il faut comprendre qu'il y a énormément d'intérêt par les grands labos un peu partout dans le monde pour utiliser cette technique pour comprendre la structure de l'ADN. Et obtenir ces données dans la cristallographie est très complexe aujourd'hui et était très complexe à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait bombarder l'échantillon avec des rayons X pendant des heures. Et puis, on obtient une image qui, pour quelqu'un comme moi, est incompréhensible. Mais si on a les bases mathématiques suffisamment aiguisées, on peut donc établir la structure moléculaire à partir de ces images. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait que le crayon, la règle à calcul, les tableaux de logarithmes et des machins comme ça. Donc c'était très très difficile, ça prenait énormément de temps et il fallait avoir des connaissances mathématiques très très poussées. Carole Écoffet, vous êtes physicienne et par ailleurs, vous vous intéressez aux femmes dans l'histoire des sciences. Alors forcément, vous vous êtes penchée sur le cas de Rosalind Franklin. Qu'est-ce qui fait que cette femme est singulière pour vous ? Le fait qu'elle ait fait des études de sciences, c'était déjà pas toujours simple en Angleterre, aux alentours des années 40. Pendant la période de la guerre, suivre des études, c'est toujours plus compliqué. On a envie de s'engager aussi humainement dans certains domaines. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a commencé à travailler sur les charbons en voulant participer à de la recherche liée à la guerre. Certaines formes de ce qu'on va appeler le charbon actif peut être incorporé dans les masques à gaz pour filtrer certains gaz toxiques. Pour quelle raison est-ce qu'elle part à Paris après la guerre ? Je crois qu'elle a eu une opportunité dans un laboratoire à Paris et là elle a pu continuer à travailler sur les carbones et découvrir beaucoup plus la cristallographie. Mais je crois que pour elle, ça a été aussi... Elle se sentait plus proche d'un tempérament latin que britannique. Elle adorait discuter, mais de façon pas violente, mais disons Elle est un animée. Peu querelleuse. Voilà, animée. Elle aimait les discussions animées et non pas le ton très feutré des discussions britanniques. Mais de la même manière, elle pouvait se braquer sur des personnes qu'elle ne considérait pas intéressantes. Ça aura une certaine importance d'ailleurs par la suite. Bah, tout à fait, oui. Et donc, mais à Paris, là, elle est dans un univers où elle se sent parfaitement en confiance, à l'aise. On sent quand même chez elle peut-être une arrogance, mais elle est jeune encore. Une certaine arrogance, mais un manque de confiance qui fait que si elle n'est pas entourée de personnes qui lui font confiance, elle peut être isolée, déstabilisée. Elle passe un peu plus de 3 ans à oui. Paris. Mmh. Et en 1950, elle retourne en Angleterre. C'était pas une carriériste, dans le sens, elle n'a pas calculé où est-ce qu'elle devait aller pour obtenir tel ou tel avantage après. Ce qu'elle voulait, c'était continuer à faire de la science intéressante. Et c'est vrai que l'idée de retravailler sur... de la cristallographie donc d'ADN, c'était un nouveau défi qui lui plaisait bien. Elle devait recréer une nouvelle expérience avec des rayons X plus intenses pour pouvoir analyser des structures telles que l'ADN. C'était un dispositif expérimental qui n'existait pas. Et elle redécouvre un monde un peu étouffant pour elle, et puis une espèce de ségrégation entre... Alors voilà, je pense pas qu'elle y soit retournée, la mort dans l'âme. Les hommes. Alors, elle y est pas retournée forcément, la mort dans l'âme, mais c'est que très vite, elle s'est rendue compte que l'ambiance était bien pire que ce qu'elle avait même pu imaginer. Et elle se retrouve au King's College, dans une ambiance qu'elle n'avait jamais connue aussi pesante, puisqu'il y a encore une forte communauté de professeurs de théologie qui ne veulent pas que les femmes mangent dans le même réfectoire que les hommes. Il y avait très peu de femmes à responsabilité dans les domaines scientifiques, contrairement à la France. Quand on venait en France, on venait là où Marie Curie a travaillé. C'est pas rien. C'est quelque chose qui a fait rêver des petites filles pour les faire devenir scientifiques. Et elle est passée d'une ambiance où elle était un peu protégée avec des amitiés à une ambiance très concurrentielle à laquelle elle n'était pas préparée du tout. Paris, c'est un peu une parenthèse enchantée dans la vie de Rosalind Franklin, Michel Morange. Elle disait qu'elle avait été très heureuse pendant ses années de travail à Paris, plus heureuse qu'elle ne le sera après son retour en Grande-Bretagne. Le système anglais est beaucoup plus à la fois hiérarchique et aussi il y a une séparation claire des sexes et beaucoup, par exemple, des clubs qui sont quand même le grand lieu de réunion de vie sociale en Angleterre, les clubs sont souvent réservés uniquement aux hommes. Il y a très peu de clubs mixtes. Ça, c'est pas anecdotique, puisque cette difficulté pour Rosalind Franklin de s'intégrer va jouer un certain rôle dans ce dont nous allons parler, la découverte de la double hélice ADN. Ainsi que son caractère propre aussi. C'était pas quelqu'un qui avait des relations forcément faciles avec les autres personnes. Et puis, paradoxalement, Rosalind Franklin est isolée parce qu'elle est d'un milieu social privilégié. Elle a des habitudes, par exemple, de sortir au spectacle le soir, qui ne sont pas les habitudes de ses collègues de travail, ce qui l'isole un petit peu. Mais le problème est essentiellement la difficulté qu'a eu Rosalind Franklin à finalement à trouver sa place dans le laboratoire de Maurice Wilkins vient d'une ambiguïté. C'est-à-dire qu'elle avait été recrutée par le chef de l'institut où était Maurice Wilkins pour travailler sur donc la cristallographie de l'ADN. Mais il avait oublié de lui dire qu'il y avait déjà Maurice Wilkins qui travaillait sur le sujet. Et il a vu arriver une sorte de rival parce que Rosalind Franklin pensait qu'elle venait travailler pour son compte sur cette thématique. Malheureusement, je pense que ça explique assez facilement la totale incompréhension de part et d'autre de la situation. Peut-être que s'ils avaient uni leurs forces, ils auraient effectivement pu aller plus loin. Est-ce que vous pouvez, Matthew Cobb, présenter les principaux personnages de cette aventure de la double hélice? À Londres, il y avait donc Maurice Wilkins, qui était un chercheur. Il était le co-directeur d'un labo à King's College. Et il y avait donc à Cambridge, il y avait deux personnes. Donc Watson, qui était jeune, il avait en 52, il avait quoi, 24, 25 ans. Et puis donc Francis Crick, qui était plus âgé. Il faut dire que c'est très important que Wilkins avait travaillé sur le projet de Manhattan. Donc il avait travaillé à créer la bombe atomique. Et comme beaucoup d'autres scientifiques, de physiciens, était horrifié par ce qui se passait à Hiroshima et Nagasaki. Et donc a abandonné son premier amour, la physique, pour utiliser ces techniques pour comprendre la biologie. Crick, lui, avait aussi travaillé pendant la guerre. Il avait dû interrompre ses études à cause de cela. Il n'avait pas travaillé sur la bombe atomique, mais il avait utilisé cette technique de mathématicien et de physicien pour essayer d'avancer la guerre. Donc, les deux faisaient partie de cette vague qui changeait beaucoup la biologie en utilisant des nouvelles techniques venues de la physique pour comprendre la nature. Et puis, il y avait donc Rosalind Franklin, qui était donc recrutée en 51 par le dirigeant du labo de King's College, John Randall. Randall, le responsable du King's College, lui a donné une certaine responsabilité, mais elle l'a placée avec Maurice Wilkin et n'a pas tout à fait expliqué aux uns et aux autres quels étaient leurs champs de compétences exacts. Et il l'a laissé comme ça. C'est pas tout à fait divisé pour mieux régner, mais c'est une forme de management. C'est un petit peu pervers. Voilà, qui fait qu'on dit à Rosalind, oh, mais tu vas pouvoir travailler en toute liberté. Et en même temps, on dit à son supérieur hiérarchique, ah, je t'ai trouvé une assistante. Et quand ils travaillent ensemble, forcément, ça commence sur des mauvaises bases. Et on les imagine, chacun de part et d'autre d'une cloison, travaillant dans leur coin et communiquant le moins possible. Voilà, alors qu'ils sont censés travailler sur des sujets équivalents. On se situe début des années 50, on connaît l'ADN, mais il y a encore beaucoup de questions sur la manière dont ce cœur de la cellule fonctionne. On ne connaît pas sa structure moléculaire exacte, on a une idée de sa composition, mais on a du mal à voir comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc Rosalind Franklin va commencer à travailler sur la structure de l'ADN et s'attaquer à une matière qui est liée à de la biologie. C'était un nouveau défi pour elle. La génétique était une science déjà ancienne dans les années 50. Dès 1866, le moine savant morave Grégoire Mendel avait finement décrit la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre par ses travaux sur les petits pois. Mais il subsistait un inconnu total sur le support chimique du phénomène. On pensait que les protéines étaient seules à avoir une complexité chimique suffisante pour porter l'information génétique. Axel Kahn, France Culture, 2007. Les protéines, ce sont des structures moléculaires très compliquées qui sont capables d'une grande diversité de fonctions, qui prennent des formes, des structures, et qui avaient tout pour posséder en elles-mêmes les vertus nécessaires à cette transmission d'un message héréditaire. On connaissait les acides nucléiques. Et c'est là où intervient l'expérience qui est une des plus belles de l'histoire de la science. Depuis les années 1930, on travaille sur un phénomène qui est celui de la transmission du caractère de virulence chez un microbe extrêmement dangereux, celui des pneumonies, qui est le pneumocoque. Le pneumocoque injecté à la souris tue la souris d'une septicémie, d'une pneumonie gravissime. Mais il y a des formes de pneumocoque qui sont avirulentes. Vous injectez ces bêtes à la souris, elle reste parfaitement en bonne santé. Lorsque l'on mélangeait des pneumocoques virulents tués avec des pneumocoques avirulents mais vivants, les pneumocoques vivants, au départ avirulents, devenaient dangereux, devenaient virulents. Et donc la question était, qu'est-ce qui est passé de la bête morte à la bête vivante pour lui conférer la virulence ? Bien évidemment, la virulence, c'est un caractère héréditaire au sens de Mendel. C'est un gène. Et donc, si on sait quel est l'élément du pneumocoque tué qui confère la virulence, on a la réponse. Et là, Evry fait une expérience extraordinaire. Il prend les pneumocoques virulents tués et il sépare très soigneusement d'une part l'ADN et d'autre part les protéines. Et ensuite, il rajoute séparément l'ADN et les protéines à la culture de pneumocoques non dangereux, avirulents. Et là, sans aucune ambiguïté, c'est l'ADN et pas du tout les protéines qui transmettent la virulence. Alors, pour être sûr de ce qu'il dit, il traite l'ADN avec des enzymes qui dégradent les protéines, des protéases. Toujours le même résultat. En revanche, lorsqu'il traite l'ADN avec une enzyme qui ne dégrade que l'ADN, les DNases, alors il n'y a plus de transmission de la virulence. Oswald Evry fait une des plus belles expériences de toute la biologie, et c'est lui qui démontre que le support moléculaire des gènes, contrairement à ce que l'on pensait, ce qu'il était raisonnable de penser, ce ne sont pas les nobles protéines, mais c'est le banal ADN. Et c'est tellement stupéfiant, que personne n'y croit. Et c'est là le génie du jeune Watson et de son maître surtout, qui l'avait envoyé étudier en Europe. C'est que lui y a cru. Il s'est dit, l'ADN, peut-être que Oswald Evry a raison, peut-être en effet qu'il s'agit de la molécule essentielle de la transmission des caractères de la vie. Et c'est comme ça que ce gamin de 21 ans est allé en Europe, d'abord en Allemagne, et puis ensuite à Cambridge en Angleterre, qu'il a rencontré Crick, qu'il a piqué les résultats de Rosalind Franklin et qu'il en a trouvé la double hélice. Alors, la double hélice est une très belle aventure, mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Nous sommes à Strasbourg, à vos côtés, à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire que vous dirigez. Vous êtes cristallographe. vient vous voir pour essayer de se mettre dans les traces de Watson, Crick, Wilkins et Franklin au début des années 50. La cristallographie, c'est une discipline un peu mystérieuse, en tout cas que les biologistes ont du mal à comprendre, mais qui leur est indispensable. Oui, vous avez le mot juste, c'est indispensable. Bon, mais c'est pas uniquement les biologistes, hein, les chimistes aussi. Tout ce qu'on sait des relations, des distances entre les atomes, de leurs positions respectives dans l'espace, provient de la cristallographie des rayons X. Que ce soit le sel de cuisine, ou que ce soit l'ADN, tout ça provient de l'analyse par diffraction des rayons X. Donc il faut cristalliser le produit. Donc ça, c'est une question de pureté. Donc on cristallise, on prend des cristaux qui sont parfois très jolis, parfois un peu moins beaux. Qu'est-ce que se passe-t-il quand on forme un cristal ? Dans le cristal, les molécules sont organisées. Alors les unes à côté des autres, dans un plan et dans l'espace. Donc ce que faisait Rosalind Franklin à l'époque, c'était de prendre des fibres d'ADN, de les placer dans un faisceau de rayons X, et puis de mettre derrière un cliché, une plaque photographique sur laquelle les rayons X diffractés venaient frapper et impressionner la plaque. Alors la grande découverte les premiers clichés qu'on obtenait, c'était des clichés que vous voyez ici, ce qu'on appelait la forme A, parce qu'il y avait une autre forme après, et là on a beaucoup de tâches. Ouais. Mais à l'époque, très ordonné, on voit bien les distances, mais on ne pouvait pas comprendre ces tâches à l'époque. Dans les rayons X, il n'y a pas de lentilles qui focalisent les rayons X. Donc la seule façon de le faire, c'est par le calcul. On peut passer d'un cliché de diffraction à la molécule, à la décorder dans l'espace réel. C'est très mathématique, c'est très joli, hein, c'est la théorie de la cristallographie, c'est fascinant, hein, c'est très très beau au niveau mathématique, au niveau géométrique. Donc c'est une très belle mathématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel Morange, comment on prépare le matériel pour obtenir de tels clichés, comment on fait et comment on les interprète? Alors, on travaille sur des fibres d'ADN, c'est-à-dire des molécules d'ADN. C'est pas vraiment des cristaux. Mais là, on fait de la diffraction des rayons X sur des fibres. Donc, ça veut dire qu'on a de l'ADN très concentré. On va avoir des fibres, puisque l'ADN se présente sous forme de scie, qu'on va aligner plus ou moins. Et c'est cette préparation qu'on va mettre sous le faisceau de rayons X. Alors, le faisceau de rayons X, quand il arrive sur le matériel biologique, il est ce qu'on appelle diffracté, c'est-à-dire les rayons vont être déviés par le matériel qui est rencontré. Le spectre dit des choses essentielles sur la structure de la molécule. Et il dit des choses essentielles en particulier sur la quantité de matériel qu'on a par unité de volume, sur l'existence de régularité à l'intérieur de l'échantillon, l'existence de répétition dans l'espace. Et, par exemple, une information qui va très vite être obtenu à partir de ces clichés, c'est que la molécule est probablement une hélice. En tout cas, Rosalind Franklin fait ce cliché en 1952. C'est cette photo qui est surnommée la photo 51, c'est ça ? Oui, c'est ce fameux cliché qui était effectivement très révélateur donc, sur les caractéristiques structurales de l'ADN. Et il montrait aussi une répétition régulière tous les 34 angstroms, qui est le pas de l'hélice. Et alors, on peut décrire assez facilement ce cliché. On y voit nettement des séries de taches noires alignées qui forment un X. Oui. On sort un certain nombre d'informations, nombre d'hélices, répétitions, mais ça, c'est des informations assez vagues. Et puis, l'autre stratégie qui va être combinée à ça, c'est la modélisation. C'est-à-dire, on va prendre donc les structures des éléments de base, les nucléotides qui forment l'ADN, et on essaye de les assembler, on essaye de faire une sorte de maquette qui puisse coller avec ces observations de la cristallographie. Il n'y a pas de certitude expérimentale. On peut dire, Mathieu Cobb, que James Watson a une vision plus large du problème posé que les autres acteurs de l'aventure ? Large et étroite, je dirais. C'est-à-dire qu'il était absolument focalisé sur ces deux éléments, que le gène était fait d'ADN et deuxièmement, que la structure devrait refléter cette capacité reproductrice qui est quelque chose de fondamental du gène. Et puis en 51, novembre 51, Watson, il va à King's College et entre autres, donc Rosalind Franklin, qui est là que depuis quelques mois, elle présente des données à elle sur la structure de la molécule. Et Watson, comme il dit lui-même dans Dublilis, son livre magnifique et très énervant sur le sujet, il dit qu'il passe son temps à réfléchir, bon, oui, c'est pas mal si elle laissait tomber ses cheveux, ou pourquoi elle porte des lunettes, oui, cette robe, c'est pas très belle. Et donc il prend pas de notes, ce qu'il ne faisait jamais d'ailleurs dans des présentations, il prend jamais des notes. Et il rentre à Cambridge et il dit à Crick, ah, il y a cette fille, elle a présenté des données, c'était vachement intéressant. Et donc, tous les deux, ils créent un modèle de la structure de l'ADN selon des données rappelées vaguement par Watson. Et donc, ils établissent un modèle, ils invitent Franklin et Watson et Wilkins à venir le voir, donc quand même assez fort parce qu'ils n'avaient fait rien. Ils disent à ces deux, ah tiens, on a résolu votre problème là, venez, on va vous montrer le modèle. Et Franklin regarde ça et instantanément elle dit, mais c'est n'importe quoi, c'était un modèle à l'inverse, donc c'était vraiment n'importe quoi. Et ça renforçait donc le dégoût de Franklin pour les spéculations, des modèles basés sur des intuitions et non pas des données lourdement établies dans sa chambre noire où elle regarde la projection de ses images. Maintenant, c'est une hélice. Est-ce que c'est un seul brin? Est-ce que c'est deux brins? Est-ce que c'est trois brins? Là, c'est aussi le génie de Watson. Donc la grande différence entre Rosalind Franklin et Watson, pour moi, c'est que Jim Watson, il suivait une idée. C'est un généticien. Il voulait comprendre l'origine de la génétique. Et il était arrivé à la conclusion que la molécule d'ADN était centrale dans ce processus, ce qui était loin d'être admis à l'époque. Et qu'il se doutait bien que la cristallographie pourrait résoudre l'ensemble du problème. Ça, je crois qu'il y est venu petit à petit, oui. Rosalind Franklin, elle fait ses clichés. Bon, elle contribue, elle essaye d'apporter sa contribution à l'élucidation du problème, la structure tridimensionnelle de l'ADN. Eric Westhoff, quand elle fait ce fameux cliché, la photo 51, qui apporte la solution, est-ce que d'après vous, elle est prête à trouver elle-même ce qu'elle cherche? Je ne pense pas qu'au niveau mathématique, elle atteignait le niveau de Francis Crick. Donc, tous ces calculs-là, elle ne pouvait pas aller jusque-là. Et puis, c'était extrêmement compliqué. Après, ticher comme ça, si vous n'avez pas une idée a priori déjà derrière, avec le soutien mathématique, vous ne pourrez pas avancer. C'est clair qu'entre elle et Jim Watson, les différences de tempérament et d'approche sont colossales. Il y a d'un côté la personne hyper rigoureuse, très précise, systématique. Et puis de l'autre côté, un peu... Watson est plus fantasque. Le fantasque ou le génie qui sort de sa boîte et qui a une idée, mais qui ne peut pas tout de suite en montrer la validité. Hein. Donc leur génie à eux deux, à Crick et Watson, c'est d'arriver à dire, voilà, on a un cliché là, on va produire un modèle, et à partir de ce modèle-là, on peut peut-être... calculer en retour le cliché et montrer que ça correspond avec ça, fit avec ça. Il faut rentrer sans doute dans les différences de positionnement par rapport à la science et par rapport au projet, d'un côté de Watson et Crick et de l'autre de Wilkins et Rosalind Franklin, pour comprendre aussi une part de l'histoire. Rosalind Franklin et Wilkins sont des chercheurs essentiellement cristallographes, c'est-à-dire des gens qui utilisent une technique assez complexe à l'époque, très complexe, pour déterminer la structure des molécules et de molécules de taille de plus en plus grande. C'est essentiellement, on pourrait dire, une question de chimistes, c'est-à-dire ils ont un objet dont la structure n'est pas connue et ils souhaitent la connaître, ils souhaitent contribuer à la connaissance de cette structure. On est, depuis le début du XXe siècle, on a vu comme ça des structures de molécules de plus en plus complexes, résolues. Watson et Crick, c'est très différent, en particulier Watson, plus encore que Crick. Mais pour eux, la cristallographie est une manière de répondre à des questions biologiques. Et c'est clair que pour Watson, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre pourquoi l'ADN est le matériel génétique. Et son idée qui est que la structure de cette molécule doit nous permettre de comprendre sa propriété fondamentale qui est de pouvoir se diviser et se répliquer. Watson écrit qu'on pose une question biologique, Rosalind Franklin et Wilkins posent une question plus de chimie. Ce qui explique sans doute aussi une partie de l'énervement que Watson ressent vis-à-vis, en particulier, de Rosalind Franklin. C'est qu'il trouve qu'elle travaille comme si elle ne voyait pas l'urgence d'avoir une réponse. Lui est convaincu que quand ils auront la réponse, comme il le dit, ils auront percé le secret de la vie. Je me demande, Matthew Cobb, si Rosalind Franklin a une réelle ambition d'arriver au résultat. Je pense que pendant cette période 51-52, il y a deux choses très importantes. D'une part, elle ne comprend toujours pas, je pense, l'enjeu biologique. C'est seulement vers la fin que vraiment elle saisit la signification de la molécule et de la molécule dans la biologie. Et deuxièmement, elle était très malheureuse. C'est-à-dire, l'ambiance à King's était pourrie. Avec le sous-directeur du labo qui le détestait, mais ne parlait pas avec elle et travaillait sur son sujet. Mais le problème pour tout le monde, c'est qu'ils n'étaient pas seuls à penser à l'importance de la structure de la molécule, de l'ADN. Et c'est là où arrive le moment le plus douloureux, c'est-à-dire que c'est là où, soi-disant, Watson et Crick volent les données de Franklin. Pourquoi soi-disant ? C'est effectivement ce qu'on lit partout. Quand l'affaire est présentée sous forme de résumé, on va dire. Oui, et ça fait une belle histoire. Ça fait un martyr qui a donc eu une femme très brillante, il faut le dire, qui a ses données volées par ces deux jeunes hommes qui étaient assez épouvantable, et en particulier Watson, et qui, dans son livre, Le Double Hélice, présente une image assez peu plaisante de lui-même et de son comportement à l'égard de Franklin. C'est les années 50, quand même. Hein. Les femmes dans la science étaient toujours assez rares, en particulier en Angleterre. Donc, quand Crick voit ces données qui sont donc publiées dans un rapport, un document quasi public, non pas publié, mais non pas secret non plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment Watson et Crick ont pu le faire. Et c'est parce que, en fait, Crick avait l'esprit préparé, comment l'appelait Pasteur. C'est-à-dire, il avait déjà dans sa tête comment il pouvait comprendre, en utilisant ses connaissances mathématiques très fortes, les données venant d'une hélice. Pour faire la structure moléculaire, il fallait que ça colle exactement, les distances moléculaires soient exactement bien. Donc les données de structure établies par Franklin étaient absolument essentielles pour Watson et Crick pour établir leur modèle, qui était un modèle fait en métal. Ils avaient fait fabriquer des patrons pour chaque structure de chaque base. Donc, il y avait dans l'atelier de labo de Cambridge, il y avait un monsieur qui fabriquait ces machins en étain, je pense. Donc, Franklin n'a pas cette aide-là. Et encore plus, elle est seule. Et donc, là, en fait, c'est pas un jeu égal, en fait. Elle a établi les données, mais elle ne comprenait pas encore comment les interpréter. Et donc, elle ne sait pas que le rapport est tombé entre les mains de Watson et Crick. C'est ça qui n'est pas très correct dans cette histoire, Matthew Cobb. C'est que les données de Rosalind Franklin sont exploitées à son insu. En effet, oui. Donc, le plus correct aurait été de dire, OK, on va essayer de comprendre cette structure à partir de vos données. Quel est l'enjeu de cette recherche au juste ? On déploie des moyens pour découvrir la structure tridimensionnelle de l'ADN. Pourquoi est-ce que c'est important de décrypter la structure de cette grosse molécule. On connaît les pièces du puzzle, on connaît les pièces du Lego, et on n'arrive pas à voir comment elles s'agencent les unes avec les autres. On commence à se douter que cet ADN, on le retrouve dans toutes les cellules vivantes. Il y a bien un truc là derrière à comprendre. La cristallographie allait donner des clés. Qu'est-ce qu'attendent les scientifiques qui travaillent sur ce sujet de la connaissance de la structure de cette molécule? Je ne sais pas s'ils s'attendaient à tout ce qu'ils allaient découvrir après. Rien que le fait d'avoir cette structure était important. Mais une fois qu'on a eu la structure, là, on a commencé à imaginer la manière dont ça pouvait être impliqué dans l'hérédité. Mais avant d'avoir eu la structure, c'était impossible d'imaginer un truc aussi fou. Cette sorte de, un peu comme une fermeture éclair, là, qui a tout un code. Hop, dès qu'on le dézippe, on peut refaire le code comme une empreinte qui permet de reproduire la même structure d'autres. Et peut-être ont-ils été dépassés par l'importance de leur découverte? Je pense. Je crois qu'à un moment, l'ampleur de la découverte, effectivement, les a surpris. En plus, les personnes qui travaillaient sur ce sujet étaient encore relativement jeunes. Donc, vous imaginez, vous êtes tout jeune, vous trouvez un petit morceau de puzzle à mettre dans la grande histoire des sciences, vous êtes heureux. Mais d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous aviez la clé pour débloquer tout un nouveau champ de la connaissance. Et ça a dû être un choc pour tous ceux qui ont été dans cette aventure-là. Malheureusement, Roselyne n'a pas été dans ceux qui ont pu participer à ce développement, puisque assez vite, elle a été mise sur le côté. Une fois qu'elle a obtenu ces magnifiques clichés, malheureusement, ces clichés ont été donnés à l'équipe concurrente, qui était donc celle de Watson, enfin, ont été montrés par Wilkins, son collaborateur, son cher collègue, un magnifique cliché qu'elle avait obtenu. Et qui a été décisif. Et qui a été décisif. Mais il y a une vraie mauvaise intention de Maurice Wilkins? Non, je pense que c'était plus dans une discussion entre collègues. Et je pense que lui-même, il fait partie de ces personnes qui n'ont pas pu penser à quel point Watson était dans la course à cette découverte de l'ADN. Pour Wilkins, la communauté scientifique échange des informations. Visiblement, Watson, pour lui, c'était une sorte de jeu, quoi, une course. Et puis finalement, tous les coups sont permis. Et alors que pour Wilkins, c'était inimaginable d'utiliser des informations comme ça sans citer les personnes qui les avaient fournies. Pourquoi est-ce qu'on dit à peu près partout, Michel Morange, que Rosalind Franklin s'est fait piquer ses résultats? Alors, elle s'est fait piquer dans le sens que Watson et Crick ont vu donc ces clichés sans qu'elle le sache. C'est Wilkins qui leur a fourni. C'est Wilkins qui leur a fourni. Ils les ont vus aussi parce que le laboratoire donc de Wilkins, enfin, du King's College à Londres, avait fait une demande de financement. Et pour obtenir des financements, on rapporte les derniers résultats qu'on a eus. Et donc, les résultats de Rosalind Franklin étaient dans ce dossier qui a été reçu par le patron de Watson et Crick, qui leur a montré le dossier. Oui. Et là, tout s'éclaire? Pas tout de suite. Watson a vu deux fois les clichés. La première fois, il n'a rien vu. La deuxième fois, ça s'est éclairé. Sans doute, l'aide de Francis Crick a été nécessaire. Francis Crick était quand même, sans doute, le meilleur spécialiste au monde de ce que faisait un faisceau de rayons X sur une hélice. Ça, c'est, je pense, le premier mérite de l'équipe Watson-Crick. C'est d'avoir eu cette préconnaissance de cristallographie qui leur a servi à interpréter les clichés de Rosalind Franklin. Et Rosalind Franklin n'aurait pas pu, d'après vous, arriver à la conclusion toute seule? Si, probablement, mais un petit peu moins facilement. Elle n'avait pas la même expérience de justement ce que donnait une hélice soumise à un faisceau de rayons X que ne pouvait l'avoir Francis Crick. Et elle était moins pressée aussi. Pour elle, il fallait finalement, elle avait déjà de beaux clichés. Plus elle aurait de beaux clichés, plus elle pourrait tirer des informations fiables. Wilkins continue à correspondre avec Watson et Crick. Et je crois qu'à un moment, il leur écrit « Vous êtes deux belles fripouilles, mais j'ai bien l'impression que vous avez trouvé la clé. » Oui, ben voilà, je crois que tout était résumé. Quand ils ont vu les résultats de Roslind, eux, ils se sont dit, c'est bon, on publie. Ils jouaient leur carrière totalement, là. Franchement, c'était d'une audace assez extraordinaire. Hein. Quand on connaît bien tout, c'était très très bien pensé. Mais Crick était un génie, hein. c'est totalement hors du commun. Et c'est une double hélice. Tout convergeait, en fin de compte. Et puis, à un moment, un modèle, on sait qu'il est juste. On voit que tout, quand tout... Il n'y a pas une preuve mathématique. Il ne pouvait pas, à l'époque, avoir une preuve mathématique que le modèle était juste par rapport au cliché. Il a fallu attendre les premiers cristaux d'ADN où on voyait vraiment la double hélice, etc. Donc ça, c'est dans les années 80. C'est une convergence d'intelligence à un endroit donné. Parce que ça a été construit. Le numéro de Nature du 25 avril 1953 propose un article intitulé « Une structure pour l'acide désoxyribonucléique » signé James Watson et Francis Crick. Cette publication capitale, qui décrit une des plus grandes découvertes de l'histoire de la biologie, tient en une page tout au plus. Et elle conduira à l'attribution du prix Nobel de médecine à messieurs Crick, Watson et Wilkins, mais bien plus tard, en 1962, plus de 4 ans après la mort de la pauvre Rosalind Franklin. Jean Rossier, France Culture, 8 janvier 1997. En même temps, dans le journal Nature du mois d'avril 1953, il y a le premier article, c'est l'article de Watson et de Crick. Il n'est basé sur aucune expérience, sauf ses appariements de base. Et il dit, c'est très important pour tout, pour le futur, pour l'humanité, ça explique la réplication, ça explique tout. Et derrière ça, il y a deux articles, l'un de Wilkins, qui explique les structures qu'il a obtenues, et l'autre de Rosalind Franklin, qui montre les plus belles images. Mais comme inattendu, en fait, de voir publier un article où il n'y a pas une seule expérience, où les seules expériences, on les a prises dans les articles qui suivent et passées, soit généralement qu'en fait un article de théorie qui théorise après les faits expérimentaux, ben vous passez derrière. Là, il passe devant l'article qui présente les vrais résultats, la structure de la double hélice. C'est un exemple assez unique en science. Watson et Crick proposent un modèle d'ADN sans avoir fait aucune expérience eux-mêmes sur l'ADN, puisque toutes les expériences ont été faites soit par Wilkins, soit par Franklin, soit par des chercheurs qui avaient travaillé avant sur l'ADN. Eux-mêmes n'ont jamais travaillé sur ce matériau. Et si vous lisez l'article de Watson et Crick, ils disent qu'ils ont élaboré un modèle de l'ADN et que, juste avant la publication, ils ont reçu de Mademoiselle Rosalind Franklin des nouveaux clichés de diffraction sur l'ADN. Ce n'est pas intégralement honnête, et ça, c'est encore parfaitement vérifiable. Quand on lit les publications, on voit qu'ils mentent complètement sur... Et c'est une faute grave, parce qu'ils suggèrent cette adéquation. Si c'était vrai, ça voudrait dire qu'ils ont élaboré un modèle, et puis que finalement... Les clichés que personne ne connaissait arrivent et confirment ce modèle. Ça donne de la force au modèle. Ça veut dire qu'il est vérifié, finalement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas vérifié. Il est conçu par là. Il est conçu à partir de ces clichés. Et apparemment, Rosalind Franklin ne conçoit pas vraiment d'amertume ou enfin des sentiments qu'on pourrait attendre d'une telle situation. Elle ne le sait jamais. Elle ne saura jamais qu'ils ont vu ces clichés avant d'élaborer leur modèle. Ça, elle ne le saura jamais jusqu'à sa mort. Rosalind est décédée entre-temps, ce qui fait qu'elle n'a même pas pu se défendre sur ce coup-là. Et justement, eux affirment que leur proposition est confirmée par la suite par des clichés cristallographiques, ce qui est faux. Ben oui. Ils les ont eu avant. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, maintenant, de toute façon, c'est prouvé qu'ils les avaient eu avant. Ensuite, bon, de toute façon, l'ambiance était tellement mauvaise qu'elle est partie travailler sur le virus de la mosaïque du tabac et sur d'autres sujets, puis... Dans un autre labo. Dans un autre laboratoire, donc elle est partie vers d'autres aventures. Donc elle a abandonné complètement ce sujet-là. Il lui reste peu d'années à vivre. Ça, c'est le grand drame, c'est qu'elle aurait sans doute, d'après moi, eu une autre aventure dans d'autres conditions. Roselyne aurait eu toutes ses chances, mais malheureusement, elle décède très jeune. Elle a 37 ans quand elle décède d'un cancer. Alors, bien sûr... La question, c'est est-ce que le cancer est imputable à l'exposition aux rayons ? C'est quand même fortement probable, parce qu'elle a travaillé avec des sources de rayons X très intenses, à une époque où on n'était pas aussi conscient qu'aujourd'hui de la dangerosité. Mais à l'époque, il y a déjà des badges dosimétriques. Oui, mais je crois que... Et elle subit une interdiction de quelques semaines à un moment. Oui, mais elle ne veut pas. La science passe avant tout. Et même une fois qu'elle sait qu'elle a un cancer, elle fait tout pour le cacher, elle continue à travailler. De toute façon, elle se savait condamnée là, déjà à ce moment-là, mais elle avait envie de faire avancer la science au-delà, enfin, indépendamment de son état de santé. Beaucoup de cristallographes ont souffert de cancer ou de leucémie suite à leur travail. On ne prenait pas toujours toutes les précautions pour éviter de recevoir des rayonnements dans ces années-là. Donc, c'est possible qu'elle ait été une victime de la technique qu'elle utilisait. Alors, en 1962, le prix Nobel de physiologie ou médecine est attribué à Maurice Wilkins, Francis Crick et James Watson. Évidemment, Rosalind Franklin n'y est pas associée parce qu'elle est morte 4 ans plus tôt. Oui. On n'attribue jamais le prix Nobel à... Quelqu'un qui est mort. Mais il y a comme une sorte de malédiction pour cette pauvre Rosalind Franklin. Oui, elle a une vie qui n'était pas une vie heureuse. En même temps, elle a fait, après la double hélice, elle a changé de thématique de recherche. Elle a travaillé sur la structure de virus, en particulier avec un de ses élèves qui lui-même va devenir célèbre, Aaron Klug. Et Aaron Klug, qui lui-même va recevoir le prix Nobel quelques années après, est d'une certaine manière l'héritier. Et elle a fait un travail scientifique reconnu et de haut niveau. Donc elle a été une chercheuse reconnue jusqu'à sa mort. On a presque l'impression d'une sorte de sainte. Alors... Je pense que c'est le fait qu'elle a été vraiment attaquée par Watson qui a fait cette sorte d'icône après coup. Parce que elle aurait été citée comme ayant participé à la découverte de l'ADN. Elle aurait fait partie effectivement des femmes qui avaient participé et puis mortes prématurément et dont on reconnaît le travail et le côté brillant. Mais le fait d'avoir été critiquée à ce point-là, elle en est devenue... Une victime. Une icône de l'injustice faite aux femmes de science. Et ce que je trouve aussi, elle est assez emblématique d'une chose, c'est l'image de la scientifique, la manière dont Watson la décrit, c'est-à-dire la fille anti-féminine par excellence. Et dans le livre La double hélice, elle est en plus présentée comme un personnage très antipathique, hein. Une sorte de mégère pas sympathique, mal habillée, enfin... Il dit d'elle, malgré un visage volontaire, elle n'était pourtant pas dépourvue de charme et aurait même pu être séduisante si elle s'était, ne fût-ce qu'un tantinet, préoccupée de son habillement. Mais cela ne l'intéressait pas, pas la moindre trace de rouge sur ses lèvres pour contraster avec ses cheveux noirs bien tirés. À 31 ans, elle déployait en matière de robe l'imagination ingrate d'un jeune bas-bleu britannique. Et tout ce que dit Watson de Rosalind Franklin est de ce tonneau-là. Oui, voilà. Mais je crois que par la suite, Watson s'est fait aussi remarquer par d'autres propos très polémiques. Mais bien plus graves. Voilà, sur l'inégalité des races, sur l'homosexualité, qui ont montré qu'il n'était pas très progressiste. Hein. Donc, clairement, c'était Watson qui a créé ce personnage de Rosie. et c'est contre ce personnage de Rosie que les amis de Rosalind Franklin ont repris la parole après 68 pour montrer qui elle était réellement. Matthew Cobb, qu'est-ce qu'on peut dire du fait que Rosalind Franklin est parfois présentée comme une figure du féminisme, en quelque sorte? Elle était féministe dans le sens qu'elle était une femme indépendante et assez forte à une époque où peu de femmes l'étaient. Je pense pas qu'au-delà, on connaît ses opinions sur le plan social ou politique plus que ça. Elle est souvent donc avancée comme un modèle du féminisme à cause de sa contribution, à cause aussi, je pense avant tout en fait, de la manière dans laquelle Watson la présente dans son livre. C'est comme un peu terne, bon, elle n'est pas très gay, mais en fait elle est très vivace. Elle n'est pas du tout fade, elle n'est pas du tout fleur bleue, loin, loin, loin de là. C'est une femme qui se bat. Pour moi, c'est là la véritable position de Watson. C'est comme il était à l'époque, mais c'est un jeune homme très pressé, très con et très brillant à la fois. Michèle Idels, vous êtes éditrice aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Comment est-ce que Rosalind Franklin devient, après sa mort, une sorte d'icône du féminisme? Si le terme est venu, c'est sans doute parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait des mouvements de libération des femmes en Europe et aux États-Unis pour que, enfin, le voile soit levé sur la contribution des femmes à la science, mais pas seulement, à la civilisation, à l'histoire. Pourquoi est-ce que les hommes, la communauté scientifique, des grands savants qu'ils étaient, avaient tellement peur de ces femmes? Il a fallu attendre 1998 pour que Watson avoue qu'il dise dans ses conférences, ainsi que Crick, qu'en fait, il ne serait jamais arrivé, ils l'ont dit eux-mêmes quand même, hein, qu'il ne serait jamais arrivé aux résultats auxquels ils sont arrivés sans les travaux de Rosalind Franklin. Donc, quand même, vous voyez, la mobilisation de cette conscience, petit à petit, du caractère intenable des discriminations, a permis même à Watson et à Crick de faire leur mea culpa. Est-ce qu'on peut dire de Rosalind Franklin qu'elle est une sorte de martyr ou de victime de la science? Est-ce qu'elle était un martyr? Je ne pense pas. Je pense que si elle était là, elle s'est très fâchée à l'idée qu'elle était martyr. Cette idée suggère que l'ADN est tout ce qu'il y a, tandis que pour elle, sa science était beaucoup plus que cela. Bon, c'est vrai qu'elle est morte quelques années après, mais elle a eu 3-4 ans de travail très productif sur la structure des virus, qui était très important, qui était présenté dans l'Expo des sciences en Belgique en 58. Il y avait énormes molécules qu'elle avait, la structure d'un virus qu'elle avait établi. Donc, ses travaux sur les virus sont d'une importance très, très, très, très grande. Et le prix Nobel ne fut pas attribué à Rosalind Franklin. Avec Matthew Cobb, biologiste, Carole Ecoffet, physicienne, spécialiste des femmes en sciences, Michèle Idels, éditrice aux éditions des femmes Antoinette Fouque, Michel Morange, professeur de biologie à l'ENS, Éric Westhoff, cristallographe, et en archive, les voix d'Axel Kahn et de Jean Rossier. La biographie de Rosalind Franklin par Brenda Maddox est disponible aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Archivina Sandra Escamez, prise de son Philippe Etienne. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Vincent Deck pour la série documentaire. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez en parler, bibliographie, lien, nous podcaster pour le labo ou nous réécouter sur la paillasse, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, deuxième étape, Pascal Cossard, Les microbes, c'est la vie. Et pendant une semaine, pour prolonger la semaine dernière consacrée aux artistes, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film photographique Memory de Ross McElvey qui fait le portrait d'un photographe. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.